je médite. J'y vois plus rien. Moi aussi. Je m'en ai. Moi aussi. Je t'aime. Moi aussi. Je comprends pas. Moi aussi. Je jouis. Moi aussi. Je me perds. Moi aussi. Je suis heureuse. Je m'ennuie. Moi aussi. Je t'aime. Moi aussi. Je comprends pas. Moi aussi. J'y arrive pas. Moi non plus. Et oui, c'est France Impro, c'est l'extrait d'un disque qui s'appelle L'Amour, où jouent quatre musiciens, Christine Vaudraska, Didier Petit, Hélène Labarrière et Alex Griot. C'est un disque qui a été imprimé, enregistré en 2001 à Tarbes. Je vous propose d'en écouter un autre extrait peut-être, et ensuite on enchaînera avec autre chose. Puis je vous lirai un petit peu d'un extrait d'un bouquin, à l'intérieur de ce disque notamment. Jouer avec un musicien la première fois, c'est comme faire l'amour avec quelqu'un la première fois. Tu te déshabilles devant lui, il se déshabille devant toi. On se dévoile dans l'intimité. C'est à la fois émouvant, intimidant, étonnant. On découvre toujours quelque chose d'autre que ce que l'on imaginait. Les surprises seront au rendez-vous, mais peut-être là où on ne les attendait pas. Il y a des musiciens que l'on connaît bien pour les avoir écoutés souvent. Et cependant, le premier moment de musique ensemble reste unique. La particularité de ce quartet vient de cet espace étrange où musique et texte sont mélangés. Parler d'amour, jouer l'amour, faire l'amour sur scène, devant les autres. Comment ne pas laisser forcément là une partie de son intimité ? À tout à l'heure. Thank you. dit amour dit attirance. Ensuite, il faut faire quelque chose de cette attraction, la mener à bien pour les deux pour que les deux personnes s'y retrouvent ou s'y trouvent. Savoir aimer. Deuxième étape qui réclame une attention particulière à l'autre. Intuition, écoute, respect pour parvenir à une relation durable, basée sur l'épanouissement. Ce quartet est particulier et joue de ce fait une musique particulière. Quand on commence sur scène pour faire la balance, c'est parti, on est branché sur l'amour. On ne parle que de ça, parfois très superficiellement, parfois très sérieusement. En fait, le sujet nous envoûte. Et Alex a été très fin. Il a choisi des musiciens aux personnalités très différentes. Assez à l'écoute pour jouer à quatre, assez personnel pour exprimer, même en groupe, leur point de vue. Assez sensible pour se fondre dans les mondes successifs proposés. Ses compositions sont suffisamment ouvertes pour que chacun y trouve sa place, son rôle, puisse s'exprimer tout en jouant avec les autres. Qui dit sensualité dit rechercher et goûter tout ce qui flotte, tout ce qui flatte les sens. En amour, c'est plus particulièrement rechercher et goûter tout ce qui flatte le corps. Les compositions d'Alex sont basées sur la sensualité. Elles se faufilent dans les textes à dire, dans les contraintes musicales, dans le discours improvisé à inventer. Cache-tu ? Pourquoi la nuit ? Viens, chérie. C'est quoi le modèle ? Te caches-tu donc ? Viens. C'est quoi ? Viens, chérie. Tu viens, chérie ? C'est quoi le modèle ? Où te caches-tu ? Pourquoi la nuit ? Tu viens. C'est quoi le modèle ? Viens. Pourquoi la nuit ? Où te caches-tu ? C'est quoi le modèle ? Où te caches-tu ? C'est quoi ? Tu viens, tu viens ? Tu viens, chérie. Ha ha ha! Et oui, salut à tous. C'est toujours France Impro. C'est ce matin une rencontre un peu originale avec un disque qui s'appelle L'Amour, qu'on vient d'écouter en bonne partie. Il y a plein de textes à l'intérieur dont je vous ai lu des extraits. Il y a également des reproductions d'un tableau, enfin de tableaux d'un peintre. Attendez, il faut juste que je mette mes lunettes. Qui s'appelle Dominique Panchi. Qui a exposé beaucoup en Italie. Actuellement, ses toiles sont exposées, c'est de l'encre de Chine. Ça s'appelle Suite amoureuse. Et c'est exposé en 2001 à la galerie La Une à Paris. Peut-être qu'on peut encore les voir. Enfin, elles sont dans le CD, c'est vraiment chouette. Ce matin, il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre, qui vient du Théâtre du Ring. Et c'est une bonne chose. Il s'appelle Adrien, je ne me trompe pas. Bonjour. Salut Adrien, bienvenue. Salut. Alors Adrien, il est venu parce qu'il y a un truc qui va se passer au ring. Il y a plein de choses qui se passent au ring. D'ailleurs, on pourra aussi parler du programme qui peut avoir lieu en dehors de ce que tu vas présenter. Ça s'appelle le cabaret populaire. Et bah, peut-être tu peux commencer par nous en dire deux mots, peut-être parler de toi aussi, je ne sais pas, si tu as envie. Samedi 2 décembre, le ring se transforme en un lieu hybride et mystérieux. Théâtre de numéros insolites, inattendus, osés, étonnants, excitants. Après le succès de la première édition, en juin dernier, au cours de laquelle nous avons vu le ring se métamorphoser, le cabaret pop revient. Connaissez-vous le chemin vers la montagne sacrée ? Venez assister à une grande fête populaire et pluridisciplinaire. Bar, cuisine de sorcière, chill out, DJ set et concerts. Soyez les bienvenus. J'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens. Je me sers de l'empreinte. chagrins, des blessures, parce qu'on s'est crié des mots qui ont sali tous nos plus beaux dessins. On a hurlé des chaudières d'encre noire sur le bonheur, mais ce tableau représentera le mois de demain. Un robot qui nous aidera à remonter les heures. Je t'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains si tu reviens. La tête à mort, et mes mains si tu reviens. Des yeux enchantés, et mes mains si tu reviens. Et le cœur en calorifère, et mes mains si tu reviens. Et des mains pour me consoler, dans mes mains si tu reviens. Bah, c'était Louis-Jean Cormier, un compositeur, chanteur, interprète canadien que j'ai découvert récemment. C'était un disque qui s'appelle Les Grandes Artères. Je trouve ça super, surtout pour parler de cabaret. Et avec Adrien, ce matin avec nous. Donc ça se passe le 2 décembre. Exactement. C'est au Théâtre du Ring. Ça voilà. Commence à quelle heure ? Alors, on ouvre les portes à 18h. Le cabaret commence à 20h. D'accord, c'est le soir. Et long, on danse ou c'est un spectacle c'est... Il y aura un concert en fin de soirée, à peu près vers 23h, 23h30. Un très beau concert de musique soufie. Il y aura beaucoup de numéros, de la danse, du cirque, du théâtre, du clown. C'est un cabaret à thème. Le thème qu'on a choisi pour ce prochain cabaret, c'est la montagne sacrée. Du coup, on va parler du sacré au premier, au second degré. Et on va voir comment ça résonne chez les gens. Du coup, les numéros sont orientés vers cette thématique. L'idée, c'est de créer un spectacle total où on englobe tous ces numéros et on les lit. Il y aura un groupe d'intervention qui s'appelle Moonwalk, dont j'en fais partie, qui va lier tout le cabaret. L'idée, c'est de créer un théâtre qui se rapproche du rituel, comme un acte sacré. Et questionner aujourd'hui, quelle est la place du sacré dans notre société ? Qu'est-ce qui est sacré ? Où est parti le sacré ? Moi, j'ai vécu pendant 4 ans en Amérique du Sud. J'ai pas mal voyagé. J'ai rencontré énormément de situations où un simple repas, un simple verre, une poignée de main était sacrée. Et je trouve que ici, dans la société actuelle, où tout va très vite, eh ben, on oublie certaines valeurs, on oubliait certaines choses. Rien que de se regarder dans les yeux, la sincérité, l'aide. Et à travers ce cabaret, on veut voilà, questionner aussi la société d'aujourd'hui, la société en l'occurrence toulousaine, parce qu'on est à Toulouse, sur la définition du sacré et notre lien au sacré. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, moi, je trouve ça très, très bien. Je le sens comme quelque chose où vous voulez un petit peu gratter la surface des gens pour leur dire... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce que vous sentez derrière ? Ouais, là c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne au fond ? C'est ça. On est dans une société où on agit avec des masques. On se protège. La société le veut. Et même si à la base, au fond de nous, on n'est pas comme ça, on a tendance à se mettre des masques, à se voiler. L'idée, c'est vraiment de toucher le cœur, toucher la profondeur des gens pour arriver à ce qu'il y a de plus pur. C'est une belle définition de l'art, non ? C'est une très belle définition de l'art. Ouais, ouais. Et c'est un projet, du coup, quand tu parlais de numéros, il y a une relation avec le cirque ou c'est plus du spectacle de chansons, de musique ? Alors, c'est un cabaret qui se veut pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on mélange vraiment tous les arts. Au dernier cabaret, on a eu de la marionnette, on a eu du chant, on a eu des performances, de la danse, du cirque, du clown. Voilà, ce cabaret-là, on propose aussi de la danse, du cirque, du clown, du théâtre, des performances. L'idée, c'est vraiment créer une plateforme où les gens d'expression, une plateforme d'expression dans un cabaret à thème. Et que l'idée, c'est pas de créer un numéro, puis un numéro, puis un numéro. L'idée, c'est vraiment de créer un spectacle total. Du coup, voilà, c'est le deuxième cabaret populaire qu'on organise au Ring. D'ailleurs, un gros remerciement au Ring qui nous accueille. On n'est pas financé, on n'a pas de financement, on se lance. Du coup, c'est entrée ouverte ou gratuite ou alors ou prix non, libre l'entrée est à 8 euros, ouais. 5 euros pour les gens qui ont moins d'argent. Mmh. Voilà, l'idée c'est de créer un événement qui va se répéter peut-être deux fois dans l'année. C'est une grosse organisation quand même. Voilà, pour l'instant c'est au Ring. Ça sera peut-être dans le futur ailleurs. En Ariège. En Ariège, pourquoi pas. Moi, je viens d'Ariège. Puis voilà, dans d'autres lieux en France, l'idée, c'est qu'on cherche aussi peut-être des financements. Voilà, on cherche aussi à créer une troupe qui voudra s'investir dans un événement comme ça, c'est-à-dire populaire. Du coup, notre public aussi, ça touche aussi bien les gens des Sept Deniers, aussi bien les gens du centre-ville, les musiciens. Les artistes de théâtre, de cirque, les enfants aussi. Hein. Voilà, ouais, exactement. Ouais, ouais. Ils connectent vite à tout ça. Donc, on peut lancer un appel aux financeurs. S'il y a des gens qui veulent venir vous voir, bah, ils peuvent aussi penser à aider à créer la compagnie, à créer les événements, à vous aider pour la suite, quoi. Exactement, exactement. On est vraiment ouvert à recevoir des appels d'offres, des choses comme ça, des aides. Voilà. On se lance. Mmh. Et du coup, c'est un très bel événement. L'année dernière, on a eu à peu près 300 personnes. Du coup, dans un théâtre du Ring, voilà, c'est assez... 300 personnes, c'est un grand succès, on peut dire. C'est un grand succès. Là, on est en décembre. C'était en juin dernier. Il faisait beau. Voilà, on a transformé vraiment le Ring avec des structures, avec... Il y a un plasticien qui s'appelle Basile Robert qui va venir aussi nous aider pour transformer ce ring. Il vient avec des machines qui s'appellent l'électrique suspendue. C'est une machine totalement incroyable. Et si vous venez, vous aurez l'occasion et le plaisir de profiter de ça et d'autres numéros. Ça a l'air très bien. Écoute, on va envoyer un petit peu de son. Super. Et puis on continue à discuter ensuite. Ok. On écoute en ce moment un duo de guitare électrique, un disque qui s'appelle Mars, qui est enregistré par Jean-François Pouvreau et Makoto Kawabata. Et je vous propose de continuer à discuter avec Adrien sur le cabaret populaire du Ring. Ça se passe le 2 décembre, samedi soir, donc samedi prochain. Exactement. Donc ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment, je vous encourage à y aller. Ils cherchent des financements pour en organiser d'autres en Ariège, mais à d'autres moments aussi dans l'année 2018. C'est pour les adultes, c'est aussi pour les enfants. Donc c'est tout un cabaret, public. C'est spectacle, c'est multi-discipline, on va dire. Exactement. Il y a du chant, parce qu'on parlait de chant juste hors antenne tout à l'heure. Exactement, ouais. Il y a du chant. Il va y avoir pas mal de chants, du chant soufi, avec une magnifique chanteuse. Il va y avoir du chant basque. Il va y avoir. Voilà, il y a Luc et Mélanie ou il y a. Qui est-ce qui chante C'est. C'est pas le duo Biasco, par non, hasard. C'est le groupe d'intervention Moonwalk. Je ne connais pas. D'accord. Moonwalk, c'est un groupe d'intervention. Alors, c'est un projet qui. D'itinérance. C'est une marche. Alors, Moonwalk. Une marche pendant tout un cycle de lune. La dernière marche s'est faite sur les Pyrénées. On marche pendant un mois. On a marché tout au long du GR10. Et l'idée, c'est d'improviser, de danser, de faire des performances dans un milieu naturel. Voilà, c'est ce qui va ressortir aussi au cabaret pour la Montagne Sacrée. C'est ce qui a un peu inspiré aussi ce cabaret-là de la Montagne Sacrée. Alors, ce cabaret est organisé par la compagnie Les Mondes Sauvages et le Poum. Mmh. Au Théâtre du Ring, je rappelle l'adresse du Théâtre du Ring, 151 route de Blagnac, dans le quartier des Sept-Deniers. Entrée 8-5 euros, ouverture des portes 18h, début du cabaret 20h. Ça va être la fête, hein, vraiment. Je pense que je vais faire l'aller-retour parce que je ne serai pas à Toulouse ce samedi-là, mais on va faire l'aller-retour exprès pour venir parce que ça a l'air vraiment fantastique, on va se régaler. Et je vous encourage tous à y aller. Puisqu'on est dans les concerts et les spectacles, je vais en profiter pour vous donner quelques dates qui sont dans le calendrier de l'agenda des sonophages. On va commencer peut-être au mois de décembre, le 1er décembre, donc c'est le vendredi soir. Il y a un festival à Bruit-Secret. Ça se passe à Meix-Armeris, donc c'est rue Ferdinand Lassalle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et il y a pas mal de groupes. Hein, allez voir sur le site, mais il y a Théorème, il y a Olympia Splendide, il y a Descendeur. Donc c'est diverses choses qui sont autour de l'impro, mais pas que, de la musique aussi, rock noise. Il y a des Finlandais, notamment d'Olympia Splendide. On va en dire deux mots, peut-être, ce qui est écrit. Là, c'est boîte à rythme, grunge ultra sensuel, toujours en train de se casser la figure et toujours en train de se rattraper. Il y a plein de sable et de brouillard et ça fait transpirer. C'est hyper beau. La gifle 2016. Donc, c'est à Meix-Armeris, c'est vendredi 1er décembre. Le 2 décembre, bah c'est en parallèle du cabaret populaire, mais je vous le dis quand même, c'est le son des flacons, c'est au domaine de Bessac. Donc c'est pas à Toulouse, c'est à Sainte-Gabelle, c'est un peu loin. C'est de l'impro. Il y a la deuxième partie du festival Sonorité, dont on a parlé il y a 15 jours avec Sébastien Sirotto. On vous l'avait dit, ça se passait à Toulouse, au Théâtre du Ring et au Théâtre du Hangar. Là, la deuxième partie de ce festival, elle a lieu à Montpellier, pour ceux qui pourront être là-bas. C'est le 2 et le 3 décembre, festival Sonorité. Donc c'est de l'impro, il y a beaucoup de choses. Il y aura une intervention de Michel Doneda avec Marchetti le samedi soir à 19h, avec Julien Dabrigeon, poète-performeur. Un groupe qui s'appelle Havre, avec Marie Cambois à la danse, et puis Aude Romary au violoncelle, et Jean-Gabriel Vallot aux lumières. Et un duo, enfin, Michel Doneda et Marchetti. Donc ça, il ne faut pas manquer. À 15h le lendemain, il y a aussi au Centre Régional d'Art Contemporain de Sète une improvisation, Tomoko Sauvage. Donc je ne connais pas, je ne peux pas vous en dire de détails, mais allez voir sur le site, il doit y avoir de l'info. Donc ça se passe à Montpellier et à Sète. Le 3 décembre, dimanche soir, c'est comme tous les premiers dimanches du mois, c'est Freddy Taquin. Donc, c'est Freddy Morrison qui fait la programmation du Taquin. Le Taquin, c'est rue des Amidoniers. Et là, le thème, c'est le solo. Donc, il y aura, je crois qu'il y aura 8 à 10 solos dans la soirée, avec des gens plus ou moins connus. Il y a des chanteurs, j'en connais un petit peu, mais je ne peux pas vous les, je vous les dis pas, parce que ce n'est pas écrit dans le programme et ce sera la surprise pour vous. Mais allez-y, c'est vraiment chouette. Le lieu, est, bah, vous le connaissez peut-être, mais il a été refait là, récemment par l'équipe qui a repris l'ex-mandala. Et donc, le dimanche 3, ce sera des solos toute la soirée. Ça va être vraiment, vraiment poétique, vraiment bien. Une soirée très douce. Il y a souvent des enfants qui viennent. D'ailleurs, ça se passe relativement tôt. De mémoire, ça commence à 18h. Le 5 décembre, il y a un concert Phonician Drive et Turbo Niglo. Ça se passe à la Cave à Rock. Je ne connais pas cet endroit. C'est organisé par l'Archi dans le Yucca. Donc ça doit bien être un peu rock noise quand même. Ensuite, le 5 décembre, puis je m'arrêterai là, il y a un spectacle qui s'appelle Trésor de la guerre d'Espagne et autres textes avec Catherine Vanniscott et Fred Cavalin. Fred Cavalin est un batteur qui fait pas mal d'impro, qui fait plein de choses. Mais c'est Catherine Vanniscott en fait qui s'empare du trésor de la guerre d'Espagne et de la boîte aux lettres du cimetière de Serge Peille. Donc c'est de la poésie, de l'histoire, des textes et de la percussion. Donc ce sera le 5 décembre à la Cave Poésie René Gouzen. Allez, un petit dernier quand même. Ensuite, il y aura le concert Massico, le Baron Vincese. C'est programmé par l'Archer dans le Yucca aussi. Ça se passe au Pavillon Sauvage, le 8 décembre. Voilà, voilà. Pour nous, il nous reste 5 petites minutes. On va continuer de discuter avec Adrien, qui nous vient du ring. La prochaine émission, quand même, je vous le dis, elle aura lieu le 10 décembre. Je n'ai pas encore le programme, mais ce sera la surprise pour vous et pour moi aussi peut-être. On parlait de chant, justement, au cabaret populaire. Oui. On parlait de chant impro aussi. Lors du cabaret, c'est de l'improvisation, de l'expérimentation ou beaucoup est écrit dans ce Alors, qui sera présenté. Il y aura un peu d'expérimentation, il y aura aussi beaucoup d'écriture. Plus d'écriture que d'improvisation. Ce sera surtout des performances, du théâtre, du cirque. Mais il y a aussi des propositions avec de la voix, avec de l'impro. Ouais. Vous êtes nombreux ? Alors, on est une vingtaine. Ouais. Une vingtaine, plus après les bénévoles, les gens, tout le monde. Voilà, c'est une sacrée organisation. Ouais. Donc, il y a de l'intensité. Il y a beaucoup d'intensité. Il y a du mouvement, de l'intensité. Ouais, ouais. Des très beaux artistes. Une très belle programmation d'ailleurs. La programmation, vous pouvez la consulter sur www.theatredelacte-lering.com. Le samedi 2 décembre, laissez-vous aller. Vos pas vous guideront vers la montagne sacrée. Ouais. Belle entrée en matière. Il nous reste 5 minutes. Je vous propose de les passer en compagnie du duo Jean-François Pouvreau et Makoto Kawabata. C'est un duo de guitare électrique que j'aime beaucoup. Un disque qui s'appelle Mars. Et puis on se retrouve le 10 décembre donc pour une prochaine émission. Écoutez, portez-vous bien. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Adrien d'être passé. Merci. Je sais que la toi. Porte est ouverte maintenant. Ok. Tu viens super, quand tu veux. Super. Et puis on parlera de projets, de musique, d'improvisation. Avec plaisir. De marcher en montagne, en forêt et faire des choses, ça m'intéresse. On peut en parler aussi. Okay. On pourra faire une mission dédiée là-dessus parce qu'il y a plein de Pourquoi gens qui peuvent en parler. C'est vraiment intéressant d'expérimenter le son, d'expérimenter la recherche intérieure avec la musique, avec un instrument aussi, avec d'autres dans un milieu naturel sauvage. Ouais, c'est quelque chose qui me branche beaucoup. On fera une émission là-dessus. Mais je sais pas quand encore, je mais propose peut-être de, je proposerai peut-être au projet Moonwalk de venir, bien sûr, d'en parler. Ah, volontiers. De faire une session d'improvisation en live peut-être. Oui, ça marche. Merci oui, parce à qu'on toi. Fait du son parfois ici lors de cette émission. Aujourd'hui, c'était pas le cas. C'est ça. Mais des fois, on se branche et ça joue. Voilà, rendez-vous le 10 décembre sur France Impro. On est sur FMR 89.1. Passez un très bon samedi, un très bon week-end. Bye bye. chaud, ça donne chaud. Global trouble underground. Global trouble underground.